Tornade de Camille Collère. 32e épisode. L'œuf et la poule. L'égalité des sexes, c'est pas gagné. C'était encore dans Le Monde récemment. Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes sont de l'ordre de 25%. Et dans ma boîte, c'est vrai qu'on n'est pas loin de l'âge de pierre. Donc, voilà Jean-Paul, l'ordre du jour, c'est l'égalité homme-femme dans l'entreprise. Ah, oui, c'est vrai. Étienne m'a parlé de ce truc. Très bien, bah, discutons-en. Alors, Étienne, tu as regardé en détail la note de Brigitte et Karine ? Oui. Alors, c'était assez confus. Enfin, sans vouloir critiquer la méthodologie, hein, les filles. Parce que si je vous dis que dès que vous parlez chiffres, vous emmêlez les pédales, vous allez me répondre que c'est un préjugé misogyne. En même temps, en commençant comme ça, ça serait pas complètement faux. Hein. Oui, enfin, en tout cas, il y a quand même chiffres et chiffres. C'est-à-dire chiffres et chiffres. Mais par exemple, Brigitte, ça n'a pas de sens de comparer le salaire d'un directeur commercial avec celui de sa secrétaire. Ah, ça, je reconnais l'esprit pratique d'Étienne. Non, blague à part, Brigitte, il faut effectivement comparer ce qui est comparable. Oui, c'est sûr, Jean-Paul, mais ce qu'on fait remarquer, c'est que la plupart des chefs de service sont des hommes et que la majorité des postes subalternes sont occupés par des femmes. Alors, non, mais attendez, les filles, changez pas de sujet en permanence. Parce qu'on va jamais pouvoir discuter. On parle salaire ou répartition des postes dans l'entreprise. Vous passez du coq à l'âne, là. C'est l'œuf et la poule. Hein? Qu'est-ce que... Le coq à l'âne, l'œuf et la poule? Non, mais de quoi on parle, là? T'as suivi, Étienne? Bah oui, non, mais Karine a raison. Répartition des postes et grille de salaire, ça va ensemble. Parce que dans les deux cas, les femmes sont victimes de discrimination. Enfin, sauf qu'avec vos histoires d'œufs, de poules, de discrimination, on va finir par devoir accorder un congé maternité aux hommes, tu vois. Hein? Non, qu'est-ce qu'on fait s'ils nous réclament les mêmes avantages que vous, non. Mesdames? Non, il est con, cet Étienne. Ça l'a dit, il a pas tort. Si tout le monde se barre en congé maternité, on est mal. Faut faire un peu tourner la boutique aussi, hein, les filles. Soyez pas fleurs bleues. Une entreprise, c'est pas une utopie. Bon, en fait, l'utopie, c'est surtout de discuter égalité salariale avec Jean-Paul et Étienne. Être une femme dans une entreprise, c'est rarement un avantage. Ou alors, ça se saurait depuis belle lurette. Cela dit, je trouve que parfois, on s'interdit beaucoup de choses. Par exemple, il paraît que les hommes demandent 9 fois plus d'augmentation que les femmes. Quelque part, on a intégré qu'on était moins légitime. On devrait pas se fixer autant de limites quand on est une femme. Le fait la poule, hein. Ah, Gigitte, il y a ta mère qui demande de l'aide, là, pour découper le gigot. Là, je suis coincé avec les ampoules à changer. Tu peux voir avec Paul? Bah, je peux surtout lui découper son gigot à maman. Bah non, qu'est-ce que tu racontes? Il est pas dans le coin, Paul? Il doit pas être loin, mais on s'en fout, je suis capable de le faire. Et en plus, Paul, c'est pas trop son truc. Non, attends, appelle Benoît. Benoît! Mais c'est vraiment pas la peine d'appeler Benoît à la rescousse. Qu'est-ce qu'il y a, André? Je peux vous aider? Non, je cherche Benoît pour découper le gigot. Ah oui, bien sûr. Bah attendez, il arrive. Chérie, on a besoin de toi pour le gigot. Ah bah oui, hein, parce que là, sans Benoît, je vois pas comment on va s'en sortir à 3 filles pour découper un gigot avec un couteau électrique. Pourquoi tu dis ça sur ce ton, Brigitte? Bah parce que je vois pas en quoi tu serais plus qualifiée que moi pour découper un bout de viande. Brigitte, on n'a pas dit que tu savais pas faire, mais Benoît, je lui ai montré quand il était petit. Il sait aiguiser les couteaux, tout ça. Et toi aussi, tu sais faire plein de choses, Gigitte. Mais pas les mêmes choses. Mais papa, arrête là, c'est complètement débile. C'est pas parce que les hommes préhistoriques partaient à la chasse pendant que les femmes faisaient la cueillette que je suis pas aussi compétente que Benoît pour découper de la bidoche. L'égalité homme-femme, ça te dit quelque chose? On est un peu au 21e siècle, là. C'est quoi l'embrouille, Brigitte, là? Ta nouvelle lutte pour le droit des femmes, c'est de découper un gigot. Mais non, mais avec vos conneries, j'ai fait des études de lettres et toi des sciences. Et au final, les femmes sont payées 25% de moins que les hommes. Et en plus, on demande 9 fois moins d'augmentation. Alors c'est pas l'œuf et la poule, ça? Oh, excuse-moi, je comprends rien, là. Je vois même pas où est le problème. Mais arrête de jouer l'innocent, Benoît. Ça t'arrange bien que ta femme, elle sache pas découper un gigot. Mais n'importe quoi. Mais bon, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Tu veux découper la viande, Marie-Lorraine? Ah non, surtout pas. Ah bah voilà, merci Marie-Lorraine, hein. Franchement merci. Hein. C'est pas la peine qu'on soit des générations à lutter pour qu'au final tu nous dises que tu préfères laisser ton mari découper le gigot à ta place. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'égalité homme-femme, ça commence au berceau. On n'est jamais trop vigilant sur les stéréotypes. L'œuf et la poule, hein? Tout part de là. Bon, t'as bien compris, Clémentine. Il n'y a aucun domaine réservé dans la vie, ok? Ouais, j'ai compris. Du foot, du rugby, de la mécanique, on s'en fout. Il n'y a pas un terrain, tu m'entends, où tu dois t'empêcher d'aller. Faut pas que t'aies peur de t'imposer. Bon, en même temps, il n'y a pas de risque. Hein. On dirait un adjudant chef, une voix de... Ah, attention, Paul, flagrant délit de stéréotype. Au fond, ça te choque que Clémentine puisse diriger les autres. Pff, mais n'importe quoi. Je dis juste que côté autoritaire, on craint rien du côté de Clémentine. Parce que t'estimes qu'une fille devrait être douce et pas autoritaire. Hein. Planter des fleurs et pas découper un gigot. 25% de différence de salaire entre hommes et femmes, ça te parle? Oh non, on va pas recommencer avec ça, là. C'est pas la guerre non plus. Mais si, justement. Bon, bah les gars, va falloir qu'on se serre les coudes, hein, parce que si maman et Clémentine se considéraient comme des opprimés jusqu'à maintenant, je sais pas du tout ce que ça va donner, là. Hein. Léonard, Octave, Anatole, faut qu'on soit solidaires, les gars, hein, comme un pack au rugby, ok? Ah, mais okay ça... Oh. Yes. C'est encore du stéréotype, Paul. Le pack de rugby, les hommes virils, tu vois, hein, et les robes à paillettes pour les filles, hein. Faut que tu te remettes en question, là, tu réagis, mais comme un primate de base. Oh là là, ça va, Brigitte, c'est une image. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, alors? Bah, je sais pas, serrez-vous les coudes comme une équipe de natation synchronisée, les gars. Bah oui, pourquoi pas, ça fera progresser un peu les choses, hein, faut évoluer, Paul. L'égalité homme-femme, c'est l'œuf et la poule. C'était La vie trépidante de Brigitte Tornade, de Camille Collère. Avec Éléonore Jonquet, Yannick Chouara, Gilles Privat, Florent Houlier, Bénédicte Cerruti, Philippe Duquesne, Sidonie Laurence, Elios Noël, Anna et Samuel Cajman et la voix de Pierre Carbonnier. Bruitage Bertrand Aniel. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage Pierre Mine et Jean du Cimetière. Assistante à la réalisation Yaël Mandelbaum. Réalisation Cédric aussi.